Bonjour et bienvenue dans ce 17e numéro de Animer nos mélodies. Au sommaire, une jeune fille qui apparaît à travers une télévision dans Video Girl Eye, une autre par un miroir dans Amegami-sama ou Ha Ma Goddess, et on terminera l'émission avec une promenade dans les Alpes suisses avec Heidi. Allez, on ne tarde pas et on commence tout de suite. Bye. Vous venez d'écouter l'opening de Video Girl Eye, Ureshi Namida, de Jolies Larmes en français. Video Girl Eye est un manga créé par Masakazu Katsura. Il s'agit ici de son deuxième succès dans le Jump, le premier ayant été Wigman, que l'on a connu en France grâce à sa diffusion régulière dans le Club Dorothée en 1989, et qui fut autant un succès en France qu'au Japon. Video Girl Eye est un virage 180 degrés, puisque son genre n'est pas le shonen d'action, mais une comédie fantastique de mœurs. L'histoire raconte les mésaventures amoureuses de Yota Motoshi. Yota est amoureux de Moemi. Mais Moemi aime Takeshi, le meilleur ami de Yota. Yota est tellement gentil qu'il se décide de devenir finalement le confident de Moemi. C'est alors qu'elle lui apprend que Takeshi, pourtant au courant de son amour pour elle, lui a répondu favorablement. Mais pour pousser Yota à réagir, c'est la goutte d'eau et Yota, qui n'est pas aussi fort qu'il n'y paraît, crie fort et en pleurant sa détresse. C'est alors qu'apparaît le Gokuraku Club, un vidéoclub qui pourtant ne devrait pas être là. Il y rentre et le géant le pousse à choisir une VHS d'une idole. Il choisit celle de Ai, une jeune fille pulpeuse avec écrit dessus « Je te réconforterai ». Il rentre chez lui, la met dans son magnétoscope, un peu déglingué, et s'assoit au sol. La jeune fille de la jaquette apparaît. L'image est parasitée et la cassette vidéo semble frémir. Elle se présente et semble comprendre la détresse de Yota, qui se dit que ce serait bien si elle pouvait être là, près de lui, en vrai. Semblant l'avoir entendue, elle lui dit « J'arrive !» La magie se met en marche. Ai commence à sortir de la télé, tandis que Yota fermait les yeux, comme pris dans un tourbillon de sentiments légers et de douceur. Mais son magnétoscope commença à s'emballer et Ai poussa un cri. Elle sortit finalement du poste de télé, comme la naissance d'un nouveau-né, sous les yeux éberlués de Yota. Il lui toucha la poitrine pour voir si elle était vraie, mais celle-ci se mit à rapetisser. La jeune fille ouvrit les yeux, se leva et se jeta sur Yota, le secouant fortement, le réprimandant sur le fait d'utiliser un magnétoscope en panne. Ai, alors très féminine, était devenue un vrai garçon manqué. Et c'est le début d'une histoire d'amour qui débute bien mal, tout du moins dans les 6 premiers épisodes que comptent les OAV. Car oui, petit à petit Yota aura des sentiments pour Ai, plus fort que Moemi, et Ai réciproquement. Mais elle n'est pas humaine, et son rôle est de réconforter, pas d'aimer. Même si l'histoire vous semble basique, pour l'époque, cela n'était pas du tout. Et l'histoire de Ai et Yota continua en manga jusqu'au tome 15, avec des amours perdus, un viol, la mort d'une héroïne touchant profondément Yota, mais aussi les lecteurs. Oui, vraiment, Video Girl Eye a ce supplément d'âme que peu de mangas ont encore aujourd'hui. Concernant la musique, elle est peu présente dans les OAV qui datent de 1992. En effet, le réalisateur a privilégié le silence musical, mais a agrémenté des moments importants par des chansons totalement en phase et touchant aussi nos cœurs sensibles. Notamment lorsque Yota pleure dans son lit et que Ai se recroqueville sur lui pour ne faire qu'un et le consoler. On entend alors cette chanson. お前のこと趣味じゃねえよ。 私はちゃんと ミーマイ君が好きだって言ったんだからね。 俺は失恋したんだ。その時俺はさっきまでと違って愛ちゃんの再生時間に限りがあることを少し寂しく思っていた。 La musique a été composée par Toru Okada. Il est essentiellement arrangeur, mais aussi compositeur pour, par exemple, The Time of Eve, ou différents albums de jeux vidéo et d'animés, tout cela depuis 1989. Video Girl High possède deux albums, le soundtrack et un deuxième album drama contenant une histoire inédite, des dialogues via téléphone entrecoupés de chansons et de musique convenant à la situation. Ces deux albums sont vraiment excellents, les dramas étant très courts. Il est à noter que c'est Masakazu Katsura qui chante lui-même quelques titres sur les deux CD que compte Video Girl High. Voici un exemple de ses chansons. Il est temps de découvrir un peu quelques thèmes des deux albums. On se retrouve après le ending. Thank you. 好きなんです、あの人のこと、いつもそばにいたいの。Oh. Vous retrouverez les références de ces deux albums sur le site de animenomelodie.fr. Si je vous parle de magie, de déesses nordiques et d'un jeune japonais ayant la malchance dans la peau et qui se retrouve à gérer trois déesses au caractère diamétralement opposé, vous me dites « Ah ma godesse !» C'était l'opening « My Heart, Ida Senai, Your Heart, Tashike Matai ». Ah ma Goddess, Ah Megami-sama est un manga de Kozuke Fujishima, prépublié entre août 1988 et avril 2014 dans le magazine mensuel Afternoon de l'éditeur Kodansha en 48 tomes. Le manga a reçu le prix du manga Kodansha en 2009 dans la catégorie générale. Ah ma Goddess a ensuite connu plusieurs adaptations en animé, des OAV, un film d'animation, des séries télé, ou encore en light novel. La version française des adaptations animées aura été éditée par Kaze. Keishi Morisato est un jeune étudiant du campus de Nekomi Kodai. Sa vie n'est qu'une succession de malheurs. En effet, il ne plaît à aucune fille à cause de sa petite taille. Il vit dans une chambre d'étudiants où ses senpais le considèrent comme leur bonne, et enfin, il a toujours du mal à boucler ses fins de mois. Mais malgré tous ces aléas de la vie, Keiichi reste quelqu'un de pur et de sincère. Il ne se plaint jamais de son sort et aide avec plaisir ceux qui ont besoin de lui et se contente de son seul plaisir, les motos. Son destin est ainsi tout tracé. Il devra vivre sous sa mauvaise étoile tout au long de sa vie. Mais les dieux en ont décidé autrement. En effet, ils lui feront un jour joindre par téléphone une déesse du bonheur qui lui permettra de réaliser un vœu. Et cette déesse s'appelle Belle Dandy. Ces 5 OAV sortis en 1993 ont beaucoup marqué de par la beauté du chara-design de Hidenori Matsubara qui retravaille officiellement les dessins de Kozuke Fujishima dans toutes ses œuvres. D'ailleurs, il est à noter que le mangaka a été tellement influencé par Matsubara-sensei qu'il a repris pour son manga et ses autres œuvres le design retravaillé par celui-ci. Matsubara-sensei est aussi le chara-designer de Kankotsu, ou le Comte de Monte Cristo, Sakura Wars est plus proche de nous de Magical to Haruno Index ou du film Le Roi des Ronces. On doit la qualité et l'animation au studio AIC, qui veut dire Anime International Company, qui avait aussi produit Bubblegum Crisis, et qui, financé par Pioneer pour l'édition en laserdisc, comme pour beaucoup d'autres animés, comme Tenchi Muyo et Lazard, ont mis un sacré niveau pour l'époque. C'est la première adaptation du manga qui reprend donc l'histoire depuis le début. Elle prend un tournant plus dramatique, moins comique que l'œuvre originale. On peut noter un paradoxe car dans l'OAV, Keiichi a rencontré Belle Dandy quand ils étaient enfants. Mais pour certaines raisons, elle a dû lui enlever le souvenir de son petit passage sur Terre. Cependant, Belle Dandy promet de ne pas oublier Keiichi et dit qu'ils se retrouveront un jour. On peut conclure que Belle Dandy souhaite retrouver Keiichi, ce qui n'est pas le cas dans le manga, ne se connaissant pas auparavant. Celui-ci lui offre d'ailleurs la bague qu'elle avait trouvée jolie lorsqu'ils étaient plus jeunes. La musique des OAV, très synthé, a été composée par Takeshi Yasuda pour deux albums soundtrack. Or, on ne connaît pas très bien ses travaux, mais il a travaillé sur Samurai Girl Real Boat High School, sur des albums de chansons de Ranma 1/2 ou de Project Echo. Écoutons les musiques les plus sympas de ces deux soundtracks et on se retrouve juste après. Thank you. しましょう、混ぜしましょう。今日のケーキはどんな味？ひとさじ、ふたさじ、甘い味。あなたと私の恋の味。ルンルルン、ルルンルン、ルンルンルン、ルルルン、ルルンルン、たまごさん。 僕のせいに耳を当てて、君は遠い過去を知る。幼い日巡り会えた場所に記憶を戻している。バイク止めた 夜のふと背中濡らす涙のしみさよなら言えたよ。ミラーに映る君うなずくばかりねえ涙はいつ止めたの。僕が全てだから君の笑顔はああ最後まで優しい。 écouter le ending Congratulations chanté par le Goddess Club Family, c'est-à-dire les doubleuses des déesses Kikuko Inoue, Yumi Touma et Aya Isakawa. Vous retrouverez les références sur le site de animedemelodie.fr. Qui n'a jamais rêvé de vivre dans les Alpes avec Annette, avec Heidi, je veux dire. Qui n'a jamais rêvé, enfant, d'aller tirer le lait de Biquette? Eh bien, Heidi l'a fait, elle. Arupusu no Shoujo Heidi, ou littéralement Heidi la petite fille des Alpes, est un dessin animé de 1974 réalisé par le grand Isao Takahata, le fabuleux réalisateur du studio Ghibli, et aidé par Hayao Miyazaki à un moment où Takahata perdait pied dans cette production. On ressent d'ailleurs sur certains décors, voire la réalisation, la patte de ce dernier. A l'époque, tous deux travaillaient pour le Zuizo Eizo, qui deviendra plus tard la Nippon Animation, à qui l'on doit par exemple Tom Sawyer, dans les Alpes avec Annette et bien d'autres. Heidi raconte l'histoire d'une jeune orpheline partie vivre dans la montagne chez son grand-père, un homme redouté de tous les villageois de la vallée. Tout d'abord effrayée, Heidi va très vite aimer son grand-père et découvrir la beauté des alpages aux côtés de Pierre, son nouvel ami. Elle vivra ainsi parmi les chèvres et parcourant les pâturages pendant plus de 2 ans avant que sa tante ne vienne la reprendre pour l'amener à Francfort pour y faire son éducation dans une riche famille, où elle va alors faire la connaissance de Claire, une jeune handicapée, et de sa perceptrice acariâtre, Mademoiselle Rougemont. Mais Heidi ne se fait décidément pas à cette nouvelle vie, loin de ceux qu'elle aime. Merci à Planète Jeunesse pour le riche résumé de la série. Écoutons tout de suite le magnifique générique français chanté par Daniel Licari. Grâce au travail minutieux de Takahata, connu pour sa maniaquerie extrême en matière de qualité, la série animée est chaleureuse et l'animation d'un haut niveau pour l'époque de production. A noter que la version française est véritablement excellente, et il s'agit en plus d'un doublage québécois, avec des voix parfaitement bien choisies, surtout celle de Heidi qui est adorable. C'est en décembre 1979 que la série sera diffusée en France, mais de manière chaotique. Il faudra attendre 1 an pour que la diffusion soit régulière en décembre 1980. Sa dernière diffusion dans les années 80 sera dans Croque Vacances en 1984, mais il faudra attendre 20 ans pour que la série revienne à la télévision sur France 5. Au sujet des génériques, il en existe 3 au total, dont un qui n'en est pas totalement. Le premier est une version québécoise utilisée lors de la première diffusion en 1979 et chantée par une chorale. En voici un extrait. Deuxième est celui que vous avez entendu tout à l'heure et chanté par Daniel Licari. Le troisième est en réalité une adaptation de la version japonaise que l'on retrouve uniquement sur un 33 tours, un livre audio de Heidi. Il se nomme L'histoire d'Heidi. Le voici. C'est l'histoire de Heidi que nous allons te raconter. C'est l'histoire de Heidi, le jour de son arrivée, dans un village tout endormi, loin de la ville et loin des fumées et la forêt. Pour dire bonjour, lui a chanté. Vous pouvez tenter de trouver ce 33 tours au nom de la merveilleuse histoire de Heidi, datant de 1981 et édité à l'époque chez RCA. Il contient les chansons L'histoire de Heidi et Dix grands-pères, le ending aussi adapté en français, qui sont chantés tous les deux donc par Karine Michel et Nelly Schwartz pour les chants tyroliens. La musique, comme beaucoup de séries des années 70, a été composée par Takeo Watanabe. C'est aussi le compositeur de Candy Candy, de la série originale Gundam, de Attacker No. 1, chez nous les attaquantes, Kiyoshi no Oshi, voire même Kyote One. Il y en a tellement. Avec cette composition, Takeo Watanabe retrouve les alpages suisses cette fois-ci et nous livre une belle musique, simple, mais empreinte de la beauté sauvage des montagnes européennes. Ne perdons pas de temps, et perdons-nous quelques minutes sur les chemins rocailleux des contrées enneigées et allons nous amuser avec Heidi et ses amis. 初めてあなたと出会ったのは、そうね、あの泉のほとり、冷たい水を一緒に飲んだ日。 Thank you. Vous retrouverez les références de tous les CD existants de Heidi sur animenomelody.fr. Animé No Melody 17, c'est terminé. Je remercie tous les partenaires de l'émission, Eric Bouvet, RadioAnime.net, Otaku No Prod, Yann Pouzard, Yodoka. Je remercie aussi PlanèteJeunesse.com, qui est une mine d'informations, ainsi que Rui Pasquale pour sa contribution sur la chanson française tirée de l'opening japonais. On se quitte avec l'opening de Ushio Etora, chanté par le groupe Yasu, et qui sent bon les années 90. Une série revenue au goût du jour grâce à la nouvelle adaptation, en cours, du manga oublié depuis. On a de la chance vu que c'est un excellent dark shonen. Au mois prochain, et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les japonais. Ta-da!